Ces malheurs de famille, la disgrâce du baron Hulot, une certitude d'être peu de chose dans cet immense mouvement d'hommes, d'intérêts et d'affaires qui fait de Paris un enfer et un paradis, domptèrent la bête. Cette fille perdit alors toute idée de lutte et de comparaison avec sa cousine, après en avoir senti les diverses supériorités. Mais l'envie resta cachée dans le fond du cœur, comme un germe de peste qui peut éclore et ravager une ville si l'on ouvre le fatal ballot de laine où il est comprimé. De temps en temps, elle se disait bien « Adeline et moi, nous sommes du même sang, nos pères étaient frères. Elle est dans un hôtel et je suis dans une mansarde. » Mais tous les ans, à sa fête et au jour de l'an, Lisbeth recevait des cadeaux de la baronne et du baron. Le baron, excellent pour elle, lui payait son bois pour l'hiver. Le vieux général Hulot la recevait un jour à dîner. Son couvert était toujours mis chez sa cousine. On se moquait bien d'elle, mais on n'en rougissait jamais. On lui avait enfin procuré son indépendance à Paris, où elle vivait à sa guise. Cette fille avait en effet peur de toute espèce de joug. Sa cousine lui offrait-elle de la loger chez elle ? Bête apercevait le licou de la domesticité. Maintes fois, le baron avait résolu le difficile problème de la marier. Mais, séduite au premier abord, elle refusait bientôt en tremblant de se voir reprocher son manque d'éducation, son ignorance et son défaut de fortune. Enfin, si la baronne lui parlait de vivre avec leur oncle et d'en tenir la maison à la place d'une servante maîtresse qui devait coûter cher, elle répondit qu'elle se marierait encore bien moins de cette façon-là.